Chapitre 367. L'interdiction de s'attribuer une fausse paternité. 1802. D'après Sa'd ibn Abi Waqas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui s'attribue en connaissance de cause une fausse paternité se verra interdire l'entrée au paradis. Al-Bukhari et Muslim. 1803. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne reniez pas vos pères, car renier son père est une forme d'incroyance. Al-Bukhari et Muslim. 1804. Yazid ibn Shariq ibn Tariq rapporte avoir entendu Ali, radiyallahu anhu, prononcer un sermon du haut du mimbar au cours duquel il a déclaré ce qui suit. Par Allah, nous n'avons pas d'autre livre à lire que celui d'Allah, le Coran, et ce qui est écrit dans cette feuille. Puis il déploya cette dernière qui contenait notamment des règles concernant l'âge des chameaux donnés comme prix du sang et d'autres règles concernant la loi du talion. Il commença à la lire. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: le territoire de Médine est sacré, haram, entre le mont Aïr et le mont Thaour. Quiconque y introduit une innovation ou donne refuge à un innovateur est maudit par Allah, les anges et tous les hommes. Et aucun de ces actes d'adoration, qu'il soit obligatoire ou facultatif, ne sera accepté le jour de la résurrection. La protection accordée par un seul musulman à un mécréant doit être respectée par tous les musulmans. Quiconque trahit un musulman en s'en prenant un mécréant sous sa protection sera maudit par Allah, les anges et le monde entier. Et aucun de ces actes d'adoration, qu'il soit obligatoire ou facultatif, ne sera accepté le jour de la résurrection. Quiconque s'attribue une fausse paternité ou prétend avoir été affranchi par un autre que son ancien maître, est maudit par Allah, les anges et le monde entier. Et aucun de ces actes d'adoration, qu'il soit obligatoire ou facultatif, ne sera accepté le jour de la résurrection. Al-Bukhari et Muslim. 1805. Abu Dhar, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: quiconque s'attribue en connaissance de cause une fausse paternité a mécru. Quiconque prétend mensongèrement qu'une chose lui appartient n'est pas des nôtres, et qu'il se prépare à prendre sa place en enfer. Quiconque traite à tort un homme de mécréant ou d'ennemi d'Allah verra l'insulte lui revenir au visage. Al-Bukhari et Muslim. 1806.